بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، on est toujours dans le premier chapitre de Kitab al-Tawhid, donc qui s'intitule d'ailleurs Kitab al-Tawhid. Dont le but est, le Cheikh a voulu dans ce chapitre-là, comme on l'a dit plusieurs fois, il a voulu montrer le statut du Tawhid et l'importance du Tawhid dans la religion de l'islam et montrer que c'est la chose la plus importante. Et montrer l'obligation du Tawhid et que c'est la plus grande des obligations. Et on a vu aussi que le Cheikh, il a construit ce chapitre-là, la dernière fois on l'avait vu qu'il a construit ce chapitre-là, donc en citant dans un premier temps le verset « Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » pour montrer que ce tawhid-là est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé « al-thaqalayn », c'est-à-dire les djinns et les hommes. Donc comme il l'a cité dans le premier verset. Et c'est aussi la raison pour laquelle, et la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé tous les messagers à leur communauté, c'est-à-dire pour rappeler à ce tawhid-là pour lequel il les a créés. Ça c'est ce qu'on trouve dans le deuxième verset. « Ma khalaqtul jinna wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasoula an ya'budu Allah wa ijtanibu at-taghut » il a montré dans le troisième, quatrième et cinquième verset qu'il a cité que ce tawhid-là, comme on l'a dit, c'est la plus grande et la plus importante de toutes les obligations, d'une manière absolue. Et il a montré dans le cinquième verset que ce qui contredit ce tawhid-là, c'est le shirk. Et que le shirk, c'est donc la plus grande des désobéissances, le plus grand péché et la plus grande chose par laquelle on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, on va voir dans le hadith qu'on va lire aujourd'hui, inshallah ta'ala, le hadith de Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, que ce tawhid-là, c'est le droit d'Allah Jalla wa'ala sur ses serviteurs. C'est le droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a imposé à ses serviteurs. Son droit qu'il a imposé à ses serviteurs. Et à travers ces textes-là aussi, que ce soit les versets ou les hadiths de Mu'az, on en déduit aussi le sens de la ilaha illallah. Donc le tawhid, c'est ce que signifie le sens, ce que signifie cette shahada, la ilaha illallah, c'est-à-dire ifradullahi bil'ibada, c'est-à-dire que la ilaha illallah, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et donc il se réalise par deux choses, comme on l'a vu, la négation et l'affirmation, rejeter toute adoration qui n'est pas vouée à Allah subhanahu wa ta'ala, et affirmer l'adoration à Allah lui seul. Ça, c'est le sens de la ilaha illallah bil mutabaqa, comme on a dit. Bil mutabaqa, c'est-à-dire, c'est ce qu'indique, c'est ce pour ce sens-là que la ilaha illallah ou que la ilaha illallah signifie. Et donc, on est arrivé au hadith de Mu'adh. Donc, c'est le deuxième hadith que le Cheikh cite dans le chapitre. Après le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qu'on avait cité et qu'on avait lu la dernière fois. Donc le Cheikh dit « وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله فلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه في الصحيحين. Donc, le hadith, il est rapporté par les deux imams, al-Bukhari et al-Muslim. Donc, c'est un hadith sahih, muttafaq alayh. Et c'est un hadith de Mu'adh ibn Jabal, grand sahabi, radiyallahu an, qui dit qu'il était derrière le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur un âne. Donc, il a monté un âne derrière le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'était l'âne du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme on va le voir. Et le prophète sallam s'est adressé à lui en lui posant une question et en lui disant « Ô Mouad, connais-tu le droit d'Allah sur ses serviteurs et le droit des serviteurs sur Allah ?» Et Mouad, il a répondu « Allah wa Rasulu a'lam, Allah et son messager sont plus savants. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il lui a donné la réponse à cette question qu'il a posée. Et il a dit que le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore lui seul en ne lui donnant aucun associé, c'est-à-dire dans l'adoration. Et le droit des serviteurs sur Allah, c'est qu'il ne châtie pas celui qui s'est écarté du shirk. Celui qui n'a donné aucun associé à Allah subhanahu wa ta'ala, le droit qu'il a sur Allah, c'est qu'Allah, il ne le châtie point. Et là, Mu'adh, il s'est adressé, il a posé une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, oh, envoyé d'Allah, ne vais-je pas annoncer cette bonne nouvelle aux gens? Et là, il a répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a, en fait, lui a interdit, il lui a dit, ne les avertis pas. La tubashirhum, ne leur annonce pas cette chose-là. Il se reposerait dessus, le sens est qu'il se reposerait sur cette chose-là, c'est-à-dire le tawhid, et délaisserait les actes, les actions, comme on va le voir dans l'explication du hadith. Donc, al-Muhashi, Abdurrahman ibn Qasim, rahimahullah ta'ala, il commente ce hadith, donc il dit « An Mu'adh ibn Jabal ». Donc, le hadith rapporté par Mu'adh, il nous fait un petit tarjama de qui c'était Mu'adh ibn Jabal. Donc, Mu'adh ibn Jabal ibn Amr ibn Aws ibn Ka'b ibn Amr al-Khazraji al-Ansari. Abu Abdurrahman, sahabi jalil mashhur min a'yan al-sahaba kana ilayya al-muntaha fi al-ilmi wal-ahkami wal-Qur'an. قال صلى الله عليه وسلم يحشر أمام العلماء برتوة أي بخطوة أو رمية السهم شهد بدرا وما بعدها واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم ثم بعثه إلى اليمن قاضيا معلما مات بالشام في الطاعون عمواس سنة 18 وله 38. Donc Mu'adh ibn Jabal, fils de Amr, fils de Aws, fils de Ka'b, fils de Amr al-Khazraji, al-Ansari. Donc on sait que l'Ansar, ils étaient composés de principalement de deux tribus, al-Aws ou al-Khazraj. Donc c'était avant l'islam, c'était des idolâtres, hein, ils adoraient les statues, l'Ath ou l'Uzza, d'autres. Wamanat et d'autres statues. Et lorsqu'ils ont accepté l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a appelés l'Ansar. Donc ceux qui ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et qui lui ont prêté serment d'allégeance de le défendre et de le défendre et de combattre avec lui pour cette religion. Abu Abdurrahman, donc, et sa kunya c'était Abu Abdurrahman. Et il faisait partie parmi les grands savants, parmi les compagnons. Et il avait atteint le plus haut niveau dans la science. Dans l'ahkam, dans les règles juridiques, le halal, le haram, et dans le Coran, dans la connaissance du Coran. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit concernant que Mouadh il sera ressuscité devant tous les ulama birratwa ou birkhatwa ou ramiyat sahm, c'est-à-dire que le sens qu'on dise ratwa ou khatwa ou ramiyat sahm, c'est une certaine distance, c'est-à-dire qu'il sera ressuscité devant tous les ulama. Et c'est ça, c'est le mérite de Mouadh, et ce mérite-là, il l'a acquis par sa science. C'est son niveau dans la science et sa grande connaissance qui font qu'il sera ressuscité devant tout l'ulama, même l'ulama. Et donc, il a participé à Badr et à toutes les grandes ghazwas qu'il y a eu après Badr, toutes les grandes batailles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a repris la Mecque, donc le jour de l'Feth, Feth Mecca, lorsqu'ils ont repris la Mecque au Kuffar, il a désigné Mouadh pour rester à la Mecque et pour apprendre aux Mécois, donc qui venaient de rentrer en islam, pour leur apprendre leur religion. Et par la suite, il l'a envoyé au Yémen, comme on le verra dans le hadith, dans le chapitre de la da'wa. Chapitre de la da'wa. Professeur Sallam, il l'a envoyé au Yémen comme juge et comme professeur, pour leur apprendre aussi leur religion et comme aussi da'i, pour appeler les gens du livre, parce que le Yémen était à ce moment-là habité par, entre autres, des juifs, des chrétiens et autres. Donc pour les appeler à l'islam, mais aussi comme juge et comme enseignant. Et après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est revenu et il est parti donc pour le djihad au Cham. Et il est mort au Cham dans une épidémie de... une genre de peste, ta'awun, c'est... peste, maladie très contagieuse. Donc dans la ville de Amwas, donc la 18e année de l'Hégire, il avait à peine 38 ans, subhanallah. Donc c'est quelqu'un qui, Mouadh, c'est quelqu'un qui a atteint un haut degré dans la science, jeune. Il dit, Qala kuntu radif al-Nabi. Donc c'est la parole de Mouadh. Il dit, قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. Donc j'étais monté sur un âne derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, وفي رواية اسمه عفير أهداه إلي المقوقس صاحب مصر. والرديف هو الذي تحمله خلفك على ظهر دبة. وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه خلافا لما عليه أهل الكبر. Dans une riwaya du hadith, il est indiqué le nom de l'âne, il s'appelait Oufair. Et c'est un cadeau que Al-Muqawqis, celui qui dirigeait à l'époque le roi d'Égypte, l'empereur d'Égypte ou le roi d'Égypte, on l'appelait Al-Muqawqis, comme on appelait l'empereur des Romains, on l'appelait Qaïsar, celui des Perses Kisra, celui qui dirigeait à l'époque l'Abyssinie et Najashi, et celui qui dirigeait le Yémen, il l'appelait Tubba. Ça, c'est des noms qu'on donne, des noms qu'avaient les rois de chacune de ces royaumes, ces empires à l'époque. Donc, Al-Muqawqis, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a envoyé une lettre pour l'inviter à embrasser l'islam, comme les autres rois, comme c'est connu. Il n'a pas accepté, mais il a fait parvenir au prophète sallallahu alayhi wa sallam certains présents, certains cadeaux, dont cette âne. Et il y avait aussi, on sait, Marie Al-Qubtiya, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a affranchi, et avec laquelle il s'est marié, et avec laquelle même il a eu un enfant, Ibrahim, qui est mort étant jeune. Ala kulli hal, c'est l'histoire de cette âne. Diwaradif, donc il dit Kunturadif, c'est-à-dire le sens là, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait monter derrière lui sur l'âne. Et ça nous donne Ça nous indique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelqu'un qui était très humble par rapport à son statut de messager, de meilleur des hommes, qu'Allah jalla wa ala, il a créé, guide de l'humanité. Il montait sur un âne et derrière lui, avec lui, derrière lui, un de ses compagnons. Donc les deux choses, le fait de monter un âne et qu'il y ait un compagnon à lui, derrière lui, ça nous indique son humilité et que c'était, il était à l'opposé des gens, de l'orgueil, comme de ce qu'on peut trouver de manière habituelle chez les rois, les empereurs, qui ne font pas ce genre de choses. Parce que c'est quelque chose qui va contre leurs habitudes. دي فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ صلى الله عليه وسلم يبوز لك يا معاذ connais-tu le droit d'Allah sur ses serviteurs؟ donc ici حق الله على العباد il nous dit أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. Prophète sallam, il a posé une question à Mouaz. Et ça fait partie des moyens que l'enseignant il peut utiliser pour transmettre la science. C'est-à-dire, c'est de poser une question pour déjà attirer l'attention de l'élève, de celui qui écoute. Attirer son attention et pour que cet enseignement, la réponse qu'il va donner, elle ait plus d'impact. Et qu'elle soit mieux comprise par l'élève. Et ici, Allah, Nabi sallam dit Haqqullahi ala al-ibad. Ça montre que cette chose-là, elle est obligatoire. C'est-à-dire qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il a rendu cette chose-là obligatoire sur les serviteurs. Il dit Wa haqqullahi ala al-ibad, huwa ma yastahiquhu alayhim. Et le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est ce qu'il, donc Allah, mérite de leur part, comme adoration pure. C'est-à-dire le droit qu'Allah Jalla wa Ala, il a sur ses serviteurs, c'est que ses serviteurs l'adorent lui seul sans lui donner aucun associé. Et ceci pourquoi? Là il dit bien « yastahiq ». Allah, il mérite. Et en quoi Allah, il mérite? Comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, il le mérite parce que c'est lui leur créateur et c'est lui qui possède les attributs de la perfection. Et c'est lui qui a comblé ses serviteurs de bienfaits. Et c'est lui qui mérite toute la louange et qui mérite l'adoration et qui mérite l'obéissance lui seul, sans aucun associé, puisque ceux qui sont associés à lui dans l'adoration, ceux que les mushrikines associés à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration ne possèdent pas ces attributs-là, ces qualités-là, et n'ont rien fait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait, de créer, de pourvoir aux besoins, etc. Les actes de la rububiyya, d'ailleurs, que les mushrikines de Quraysh et des autres communautés connaissaient et reconnaissaient. Donc ça, c'est le droit d'Allah sur ses serviteurs. L'adoration pure, tawhid. Qala ibn al-Qayyim, donc dans son... Ibn al-Qayyim, il dit, donc il cite quelques vers de poèmes qu'il a cités dans son poème An-Nuniyya. Haqqul ilahi ibadatun bil amri la bi hawa an-nufusi fa dhaka lish-shaytani من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة فحبذ السببان. Donc le sens des vers, approximativement, donc le droit de l'adorer, le droit de l'adorer, ou le droit de la divinité ou de l'adorer, ici, vis-à-Allah subhanahu wa ta'ala, dit « ibadatun bil amri », c'est-à-dire c'est l'adoration. L'adoration qui est commandée par Allah subhanahu wa ta'ala. La bihawa an-nufus fa dhaka li shaytani. Donc c'est l'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, ou que son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné, que ça soit un ordre d'obligation, ce qu'on appelle le wajib, ou que ça soit un ordre de recommandation, ce qu'on appelle le mustahab. La bihawa an-nufusi fa dhaka li shaytani. Pas par passion des âmes, ceci est pour le shaytan. Min ghayri ishrakin bi. Sans lui donner aucun associé. يعني من غير إشراك به شيئا sans lui donner aucun associé dans cette adoration. هما سبب النجاة فحبذ السببان. Et ceci sont les deux causes de la réussite, naja, ou d'être sauvé du châtiment d'Allah Jalla wa Ala. Et qu'ils sont bons ces deux causes, quelles sont bonnes ces deux causes, quelles sont admirables ou quelles sont bonnes. Donc ici le sens des deux vers, c'est que, donc il nous dit que, comme il l'a dit précédemment le Cheikh, que le droit d'Allah Jalla wa Ala, c'est l'adoration. Mais que cette adoration-là, elle est conditionnée par deux choses. Il dit « ibadatun bil amri », c'est-à-dire qu'on adore Allah par ce quoi il nous a ordonné, dans le Coran ou dans la Sunna. C'est-à-dire ici, il fait référence à l'mutaba'a. On adore Allah Jalla wa Ala conformément à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou conformément à ce qui vient dans le Coran. Pas parce qu'on veut. C'est ce qui est visé par « hawa an-nufus ». « Hawa an-nufus », c'est-à-dire par les passions. Il dit « Fadhakari shaytani », c'est l'adoration de Nasara, des chrétiens. « Min ghayri ishrakin bihi », sans lui donner aucun associé shay'an. « Min ghayri ishrakin bihi shay'an », sans lui donner aucun associé dans cette adoration. Donc ça, c'est la deuxième condition, l'ikhlas. Cette adoration, elle n'est acceptée qu'avec l'ikhlas. Il dit « Huma sababan najati fi habbadha sababani ». Et ces deux causes-là, ou ces deux piliers-là, ou ces deux conditions-là de l'adoration, donc al-mutaba'a et al-ikhlas, donc le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le suivi de sa sunna, et l'exclusivité, la pureté, le fait de donner l'adoration qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ces deux choses qui vont sauver la personne du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le sens des versets. Donc là, il a voulu montrer ce qui nous intéresse surtout par rapport à ce qu'il a dit là, ou ce qu'on peut appeler shahid, c'est haqqul ilahi ibadatun. Ensuite, il nous explique c'est quoi, quels sont les deux piliers de cette ibad. Mais il va développer après, inshallah. Ensuite, il dit wa ma haqqul ibadi ala Allah. Wa ma haqqul ibadi ala Allah. Et quel est le droit des serviteurs sur Allah? Quel est le droit des serviteurs sur Allah? Donc là, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, il nous informe que les serviteurs ont un droit sur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un vrai droit. Donc le Muhashi, il dit « Laysa ala Allahi haqqun wajib bil aqli » كما تزعمه المعتزلة. ولكن هو سبحانه كتب ذلك على نفسه تفضلا وإحسانا فهو متحقق لا محالة لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده وعد الله لا يخلف الله وعدا كتب على نفسه الرحمة وأوجب على النفس الحق لم يجبه عليه مخلوق. Donc ici, il nous dit plusieurs choses. Donc le prophète, comme on l'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans le hadith que les serviteurs, ils ont un droit sur Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit déjà, premièrement, ce droit-là, c'est quelque chose qu'on connaît par le Coran et la Sunna. C'est-à-dire qu'Allah Jalla wa Ala, il nous parle de ce droit-là dans, ou le Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de ce droit-là dans dans la sunna. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut connaître par la raison, comme l'ont prétendu al-Mu'tazila. Ça, on l'avait vu, Allahu a'lam, dans le Wasitiya, al-Mu'tazila, ils prétendent que l'adorateur, donc celui qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, il a un droit, un vrai droit sur Allah subhanahu wa ta'ala, de la même manière que les créatures ont des droits les unes sur les autres. C'est-à-dire, si moi, exemple, je travaille pour un patron, j'ai un droit sur lui. Ce droit-là, c'est qu'il me paye pour le travail que j'ai fourni. Et le Mu'tazila, ils ont fait un genre de qiyas là-dessus. C'est ça qu'ils établissent ça bil-aql. Le qiyas, c'est un délil aqli. C'est un délil où on fait marcher notre raison. Et ils ont dit, de la même manière que le travailleur, mérite salaire, de la même manière l'obéissant, celui qui a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala, il mérite, il a un vrai droit sur Allah qu'il le récompense pour cet acte qu'il a fait d'obéissance, ces actes qu'il a fait d'obéissance. Ça, c'est leur croyance. Et cette croyance-là, elle vient en partie, comme on l'avait vu dans le Wasitiya aussi, que le Mu'tazila, on se rappelle qu'ils sont qadariya, qui sont nufat al-qadar, c'est-à-dire qu'ils rejettent al-qadar. C'est-à-dire qu'ils rejettent que le fait, ou ils rejettent le fait que l'acte du serviteur soit créé par Allah subhanahu wa ta'ala, et soit voulu par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent que c'est le serviteur lui-même qui crée ses propres actions, sans l'intervention d'Allah, sans sa volonté et sans qu'il crée cet acte-là. C'est-à-dire que le serviteur, en gros, comme c'est lui, de par lui-même, de sa propre volonté, de sa propre capacité, qui a fait cet acte-là, lui, il mérite une récompense. Allah, il n'a pas guidé, Allah, il n'a pas fait son acte. Et ça, c'est évidemment, c'est batil. Et ça contredit la croyance de Al-Sunna wal-Jama'a. Al-Sunna wal-Jama'a, et c'est pour ça que, si on revient sur la croyance de Al-Mu'tazila, que les salafs, ils disaient que Al-Mu'tazila, ou les ulémas de l'époque de Al-Mu'tazila, parce qu'on avait vu que Al-Qadariya, Nufat, Al-Mu'tazila, ils sont arrivés à la fin de l'époque des compagnons, à l'époque des tabi'in. Et c'est pour ça que les ulémas, parmi les salafs, ils disent que Al-Mu'tazila, ils sont, Al-Mu'tazali, ils sont, mushabbiha fil af'al wa mu'attila fil sifat. Que Al-Mu'tazila, concernant les actes, ils font ressembler à Allah, subhanahu wa ta'ala, ses créatures. Et eux, ils appellent ça Al-Adl. Dans leur fondement, ils ont cinq fondements qui ne sont pas les fondements des muslimines, des Al-Sunna wal-Jama'a. Ils disent que dans les cinq fondements, elle rentre le adl. Al-adl, c'est quoi? Al-adl, c'est quand le serviteur, il obéit à Allah, Allah, il doit être juste avec lui, il doit le récompenser. Ils appellent ça l'adl. Et ça, c'est batil, comme on l'a dit. Donc, ils disent, les ulama qui sont mushabbiha fil af'al, concernant les actes d'Allah, ils font ressembler Allah à ses créatures. Là, on voit bien, ils ont fait un qiyas entre les droits des créatures les unes sur les autres, et avec le droit que le serviteur il a sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans les sifat, on avait dit ils sont mu'attila, c'est-à-dire ils rejettent les sifat. Ils disent alim bil ilm, basir bil basar, etc. comme on l'avait vu. Savant sans ilm, etc. La croyance de l'Sunna wal Jama'a, c'est-à-dire que oui, les serviteurs ont un droit sur Allah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith. Parce qu'il y en a, ils disent non, mais c'est pas vraiment un droit. Ça veut dire que cette chose-là, Allah, il l'a promise et qu'il va la réaliser. C'est-à-dire le fait de ne pas châtier celui qui réalise le tawhid, le fait de ne pas le châtier, c'est pas vraiment un droit. C'est quelque chose qu'Allah, il a promis et il va réaliser sa promesse. On sait qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il réalise sa promesse. Il ne transgresse pas sa promesse. Et ça, c'est faux, parce que c'est le fait de rejeter qu'il y a un vrai haqq, ou qu'il y a un haqq. Il y a un haqq. Le professeur Sallam, il dit, wa ma haqqu l'ibadi ala Allah. Le professeur Sallam, il affirme, il établit qu'il y a un haqq. Mais c'est ce que Al-Sunna wa Jama'a, ils disent que ce haqq-là, ce droit-là, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui se l'est imposé à lui-même. Il n'y a personne qui peut imposer, obliger Allah subhanahu wa ta'ala à faire quoi que ce soit. C'est lui qui les a créés à partir de rien et ils n'ont aucun droit sur lui. Mais c'est lui-même, par miséricorde et par bienfait, qui s'est imposé ce droit-là à lui-même. Et il n'y a pas d'étonnement à avoir, puisque Allah, subhanahu wa ta'ala, il s'est aussi interdit des choses sur lui-même. Comme le hadith connu où Allah il dit Ya ibadi, inni harramtu ala nafsi dhulma, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Allah, subhanahu wa ta'ala, il s'est interdit à lui-même le dhulm. Il s'est interdit à lui-même de commettre une injustice. Donc de la même manière, là, il s'est obligé à lui-même de récompenser le mouahid, celui qui pratique le tawhid, de ne pas le châtier et de le récompenser. Il s'est obligé ça à lui-même. Donc c'est un haq, comme il le dit ici. Tafaddulan wa ihsan. C'est de là un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Comme il le dit, il s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Et il s'est imposé à lui-même ce droit-là. Et personne, la créature, n'impose rien à Allah, subhanahu wa ta'ala. La créature, elle est là pour adorer Allah, pour obéir à Allah, pour s'humilier, pour se rabaisser devant Allah, subhanahu wa ta'ala, pas pour imposer des choses. Non. Ensuite, il lui parle à Cheikh l'Islam. كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. Donc là, c'est le sens de la parole du Cheikh, là, de Ibn Taymiyyah, c'est ce qu'on vient de dire. Donc c'est un droit qu'Allah s'est imposé à lui-même, et de sa part, c'est un bienfait et une miséricorde. C'est pas un droit, il dit, ليست يعني حق واستحقاق مقابلة. Ça, istihqaq muqabala, c'est comme on a dit entre ce qui se passe entre les créatures. Toi, tu fais un bienfait à quelqu'un et tu as un droit sur lui qui te rende cette chose-là. Ou tu fais un travail pour quelqu'un, tu as un droit sur lui qu'il te paye ou qu'il te rétribue pour ce travail-là que tu as fait sur lui. Ça, c'est un vrai droit que les uns et que les créatures, elles ont les unes sur les autres. Or là, le droit d'Allah, c'est un droit qu'il s'est imposé à lui-même par miséricorde. Il a ici deux vers de poème. Il dit ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لدي ضائع إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. Ces deux vers, ils ont l'essence de ce qu'on a dit. Donc, il n'y a pas pour les serviteurs un droit obligatoire. C'est-à-dire, comme on a dit, c'est Allah Jalla wa'ala qui s'est obligé à lui-même ce droit-là. C'est lui qui a donné ce droit-là aux serviteurs et qui se l'est imposé à lui-même. Kalla wa la si'yun ladayhi da'i'u. Sûrement pas, mais il n'y a aucune action auprès de lui qui est perdue. C'est-à-dire que l'action du serviteur, l'action que le serviteur, d'obéissance que le serviteur y fait, elle n'est pas perdue. Allah subhanahu wa ta'ala, il en tient compte et il rétribue le serviteur dessus. Il a'udhibu fabi adlihi. S'ils sont châtiés, c'est par sa justice et non pas par son injustice. Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a dit, c'est interdit à lui-même la justice. Ou nu'imu fabifadlihi. Et si bienfait leur est fait, alors c'est par son bienfait à lui. Wa huwa al-karim al-wasi'. Et il est le généreux et le wasi', celui qui accorde une largesse à ses créatures. Donc ça, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose. C'est un sujet. Où le Mu'tazila et d'autres, ils se sont égarés. Mu'adh, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé la question, il a dit, Qultu Allah wa Rasulu a'lam. Donc lorsqu'il lui a posé cette question, il a dit, Allah et son envoyé sont plus savants. Là, il fait un commentaire concernant l'adab. Al-Muhashi, Abdelrahman ibn al-Qasim, dit Fi husnu l'adabi min al-muta'allim, wa annahu yanbaghi liman su'ila amma la ya'lamu an yaqul Allahu a'lam. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كان عنده علم فليقل به وإلا فليقول الله أعلم. Donc dans la réponse de Mouaz au prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa question, on voit le bon comportement qu'il convient d'adopter ou même qu'il est obligatoire d'adopter lorsque on nous pose une question à laquelle on ne connaît pas la réponse. Donc il convient ou il est obligatoire de dire Allahu a'lam. Déjà d'une manière globale, il est pas permis de parler dans la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Connais les textes, wala taqfu ma laysa laka bi ilm wa taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Tous ces versets-là, on les connaît, tous les textes sur le fait de la gravité de parler dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ça soit dans ses noms et ses attributs ou dans sa législation, le halal et le haram, sans science. Mais il convient de dire Allahu a'lam. Donc celui Abdullah ibn Mas'ud dit, celui qui a une science concernant un sujet, qu'il la dise, qu'il la propage, et celui qui ne sait pas, il dit Allahu a'lam. Pas commencer à takalluf, à essayer de répondre alors qu'on ne sait pas, pour pas montrer qu'on ne sait pas, etc. On dit Allahu a'lam. Pas de honte. يقال حق الله على العباد حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne quel est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Il dit donc le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore lui seul et qu'il ne lui associe rien, qu'il ne lui donne pas d'associé dans l'adoration. قال المحشي أي يوحدوه بالعبادة ويفردوه ويتجردوا من الشرك قليله وكثيره صغيره وكبيره ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده بل هو مشرك قد جعل لله ندا في عبادته. Donc là, il nous dit quelque chose de très important. Donc le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est quoi? C'est qu'il l'adore lui seul. Et qu'il fasse que toute l'adoration soit vouée à lui. Donc que le culte soit exclusif. Et qu'il se débarrasse de tout shirk. Qu'il s'écarte de tout shirk. Que ça soit le shirk en petite quantité ou en grande quantité, ou que ce soit le petit shirk ou le grand shirk. Qu'il s'écarte et qu'il délaisse tout shirk et toutes sortes de shirk. Comme on l'avait vu, ça, on le prend, le fait que le shirk, ça, ici, ça englobe toutes les sortes de shirk. On l'avait vu, on le prend de وَلَا يُشْرِكُ comme on l'avait vu dans le verset où Allah est dit dans le 4e verset je crois du chapitre وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. On avait dit وَلَا تُشْرِكُ les gens de la langue arabe, bon, il y a un khilaf entre eux, mais une partie des gens de la langue arabe, ils disent que ça nous indique la généralité, c'est-à-dire que toute sorte de shirk, quelle que soit la sorte de shirk, elle rentre dans cette interdiction-là. Donc que toutes sortes de shirk soient interdits et soient rejetés. Donc ça rentre dans le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça rentre dans la réalisation du tawhid et dans la réalisation de l'adoration dans son sens, dans le sens de la législation. C'est-à-dire le sens de l'adoration dans la législation, c'est le tawhid, comme on l'avait dit. Et donc ça passe par le délaissement du shirk dans toutes ses sortes. Et il dit, et celui qui ne se dénue pas du shirk, c'est-à-dire qui ne délaisse pas toutes les sortes de shirk, alors celui-là, on ne peut pas dire qu'il a réalisé l'adoration d'Allah seul. Il dit, Bel, huwa mushrikun qad ja'ala lillahi niddan fi ibadatihi. Mais plutôt, il est mushrik, il est associateur, il a mis un égal à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Donc ça, cette phrase-là, elle est primordiale. Elle nous montre quoi? Elle nous montre plusieurs choses. Elle nous montre que l'adoration d'Allah seul, c'est, ça comprend, ça englobe quoi, comme on l'a vu déjà à plusieurs reprises, le délaissement du shirk, et ça c'est le sens de la ilaha illallah. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'adoration exclusive sans le délaissement du shirk. Et que quelqu'un qui fait du shirk, quelle que soit la sorte de shirk qu'il fait, on l'appelle mushrik. On l'appelle mushrik, on ne l'appelle pas muwahid. Il n'y a pas chez les musulmans, ou du moins chez El Sunna ou El Jama'a, il n'y a pas comme chez le Mu'tazila, El Manzila, Bayna, El Manzilatay. Il n'y a pas de statut entre la foi et, ou entre le tawhid et le shirk. Il n'y a rien entre les deux. Soit on est muwahid, on adore Allah subhanahu wa ta'ala seul et on se désavoue, on délaisse le shirk, soit on commet le shirk et on est mushrik. C'est l'un des deux. Et ceci, même si la personne, elle se dit de l'islam, elle s'attribue à l'islam, et qu'elle dit la ilaha illallah, et qu'elle fait certaines adorations parmi les adorations qui sont légiférées en islam. À partir du moment où une personne, elle fait du shirk akbar, qui est unanimement reconnu comme étant du shirk akbar, certaines masaïl où il y a du khilaf, mais si elle commet une sorte de shirk sur laquelle les ulémas sont tous unanimes, alors elle devient mushrik, associatrice. On ne peut pas être muwahid et commettre du shirk akbar. Les deux ne vont pas ensemble. Comme les ulémas disent, tawhid wa shirk naqidan. La yajtami'an wa la yartafi'an. Le tawhid et le shirk, c'est deux choses qui sont complètement opposées. On ne peut pas les rassembler et on ne peut pas non plus enlever les deux. C'est-à-dire qu'une personne, elle soit l'une, soit l'autre. Quelqu'un qui est muwahid mushrik, ça n'existe pas. De la même manière, quelqu'un qui est ni muwahid ni mushrik, ça n'existe pas non plus. Il faut qu'il y ait l'un des deux, mais s'il y a l'un, il n'y a pas l'autre. Et comme on l'a dit, même s'il dit la ilaha illallah, comme on le verra plus tard dans les chapitres, la ilaha illallah, cette shahada, elle est déjà, c'est une parole de la langue. Or, on sait que la foi chez Al-Sunna wal Jama'a, c'est pas, ça ne se limite pas à une parole, mais que c'est aussi des actes. Et parmi les actes, il y a l'adoration d'Allah seul et le désaveu ou le s'écarter du shirk par les actes. À partir du moment où la personne, ou à partir du moment où on dit que l'iman, la foi, c'est qawl wa amal, c'est des actes, et c'est d'une parole et des actes, alors la personne, on sait qu'elle peut mécroire soit par la parole, soit par les actes. Or, quelqu'un qui commet du shirk par les actes, c'est quelqu'un qui a annulé sa foi. L'iman ne se résume pas, l'islam, c'est pas une simple parole, c'est une parole et des actes. Quelqu'un qui dit la ilaha illallah, et ensuite qui la contredit par les actes, en commettant une sorte parmi les sortes du shirk, c'est quelqu'un qui a annulé cette shahada. Et souvent, c'est quelqu'un qui ne connaît à la base pas son sens. Ça, on verra en détail dans les chapitres, inshallah, qui suivent. Et on sait aussi que la ilaha illallah, cette shahada, elle a un sens. Et aussi que shahada, à la base, man shahida an la ilaha illallah, shahada, c'est un sens. La shahada, c'est le témoignage, il a un sens. Que ça implique, que ça englobe une science, connaître son sens, et que ça englobe aussi une mise en pratique. Et que cette shahada, pour qu'elle soit profitable, elle est conditionnée par des conditions qu'on trouve dans la sunna. Comme le hadith d'Athman, radiyallahu anhu, dans Sahih Muslim, le prophète sallam dit « Man mata wa huwa ya'alamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah » Celui qui meurt et qui sait que nul ne mérite l'adoration dehors d'Allah, alors lui, il rentre au paradis. Donc, on voit qu'elle est conditionnée par la science. De la même manière, elle est conditionnée par d'autres choses. Dans d'autres hadiths, comme le yaqin, le sidq, l'ikhlas et d'autres choses. Comme on le verra, inshallah, dans les cours suivants, inshallah. Ensuite, il nous dit, là, il va parler, il va revenir un peu sur le sens de l'adoration. Ça, c'est primordial aussi. Il dit, wa aslu l'ibadati atadhallul wal khudu'. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل. Et la base de l'adoration, c'est التذلل, c'est le fait de se rabaisser. On avait dit que العبادة dans la langue arabe, ça vient de ذل ou التذلل. C'est pour ça les ulama on dit d'une route, on dit Tariqul Mu'abbad. C'est une route qui a été aplanie par les pas. C'est-à-dire que les gens, à force de marcher sur une route, elle est devenue Mu'abbad. C'est-à-dire qu'elle est devenue aplanie, elle est devenue plate. Il n'y a plus de bosse ou de. Elle s'est aplanie, elle s'est rabaissée, elle s'est. Non, ça, c'est le sens de l'ibada. Dans la langue arabe, c'est le fait de se rabaisser, de s'humilier. Mais dans, on va voir que dans la législation, il faut aussi absolument qu'il y ait le hub, c'est-à-dire le fait de se rabaisser devant Allah, ça ne suffit pas si c'est pas accompagné de l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'il y ait les deux choses. Et ça, c'est la base de l'adoration. La base de l'adoration, c'est l'humiliation, le fait de se rabaisser, le rabaissement. C'est l'inverse de l'kibr, de l'orgueil. Mais il faut que ça soit accompagné aussi de l'amour. Parce que quelqu'un, il peut se rabaisser devant quelqu'un d'autre par peur ou par... Mais il peut aussi le détester en même temps. À l'image de quelqu'un qui se rabaisse devant un gouverneur, un tyran ou quoi, mais qui dans son cœur le déteste. Donc ça, c'est pas de l'adoration dans le sens de la législation. Dans le sens de la législation, il faut que l'adoration, donc le fait de s'humilier, de se rabaisser, il faut que ça soit accompagné de l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on va le voir dans les vers de Ibn al-Qayyim ensuite. Et donc Ibn Taymiyyah, il avait donné, on avait vu, il avait cité au départ, il avait cité la définition d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, de l'adoration où il avait dit l'ibadatu ismun jami'un. لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Donc il avait dit que l'adoration, c'est un nom qui englobe tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime et il agrée comme acte, comme parole, apparente ou cachée. Donc ça, on avait dit, c'est le sens de l'adoration, ce qu'ils appellent al-ma'ana al-ismi. C'est-à-dire, ça englobe toutes les paroles et tous les actes qu'Allah Jalla wa Ala, il aime et qu'il agrée et qu'il nous ordonne de faire. Et là, il nous cite, et là, dans cette définition-là, il dit Al-ibadatu hiya ta'atullahi bimtithali ma amara bihi ala al-sinati al-rusul. Il dit ici l'adoration, c'est l'obéissance à Allah par le fait de pratiquer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a ordonné par l'intermédiaire donc de ses messagers. Donc tout ce que les messagers nous ont ordonné de faire, il convient d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala en s'exécutant, en le faisant, en l'appliquant, en le mettant en pratique. Ici il y a quelques vers de poèmes d'Ibn al-Qayyim toujours dans Nouniya qui sont intéressants concernant le sens de l'adoration. Donc il dit وَعِبَادَةُ الرَّحْمَانِ غَايَةُ حُبِّهِ مَعَ ذُلِّ عَابِدِهِ هُمَا قُتْبَانِ وَعَلَيْهِمَا فَلَكُ الْعِبَادَةِ دَائِرِ مَا دَارَ حَتَّى قَامَتِ الْقُتْبَانِ وَمَدَارُهُ بِالْأَمْرِ أَمْرِ رَسُولِهِ لَا بِالْهَوَى وَالنَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ. Donc le shir, rahimahullah, il dit وَعِبَادَةُ الرَّحْمَانِ غَيَةُ حُبِّهِ مَعَ ذُلِّ عَابِدِهِ هُمَا قُتْبَانِ. Ça, c'est ce qu'on vient de dire. Il dit, et l'adoration du Rahman, du tout miséricordieux, c'est le summum de l'amour, ou c'est le sommet de l'amour, avec l'humiliation du serviteur. Donc là, c'est ce qu'on a dit avant. C'est les deux piliers de l'adoration. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans le cœur. Et c'est quelque chose qu'on avait appelé al-ma'an al-mazdari. C'est-à-dire, c'est ce qu'on trouve dans le cœur de l'adorateur. C'est ce qui doit se trouver dans le cœur de l'adorateur lorsqu'il adore Allah. C'est-à-dire le sommet ou l'apogée de l'amour, le summum de l'amour et de l'humiliation. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça, c'est deux axes. Qutbani. Qutb, c'est l'axe, un axe. Ça, c'est les deux axes de l'adoration. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'adoration. C'est-à-dire quelqu'un qui fait la salat, qui fait les gestes, recours, sujoud, récitation, etc. Mais qui dans son cœur n'a pas cet amour-là pour Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'a pas cette humiliation, ce rabaissement pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas de l'adoration. C'est des gestes, c'est des habitudes, mais c'est pas de l'adoration. Évidemment, l'ibad, les serviteurs, ils sont pas tous au même niveau dans cet amour-là et dans cette humiliation-là. Donc, dans ce qu'on trouve dans le cœur, ils sont pas tous au même niveau. Et ça, les actes du cœur, ça reste la base. Puisqu'on sait que le cœur, c'est lui qui commande les membres. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, inna fi jasadi mudra, iza salahat, salaha al-jasadu kullu, wa iza fasadat, fasad al-jasadu kullu, alahi wa al-qalb. C'est-à-dire que le qalb, le cœur, c'est c'est lui qui dirige les membres. Plus cet amour-là et cette humiliation-là soit à un haut niveau, soit à un haut degré pour Allah subhanahu wa ta'ala, plus les actes vont suivre. Mais il faut absolument que ces deux choses, au moins la base de ces deux choses, la base de l'amour et la base de l'humiliation, soient réalisées dans le cœur du serviteur pour que ça soit de l'adoration. Sinon, ce n'est pas de l'adoration. Donc là, à nous de nous analyser nous-mêmes, et est-ce que lorsqu'on adore Allah Jalla wa Ala, lorsqu'on fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a ordonné comme adoration, et si je vise l'adoration, le sens, l'ismi, comme on a dit avant, les paroles et les actes qu'Allah Jalla wa Ala il nous a ordonné de faire, la salat, la zakat, récitation du Coran, etc., toutes ces choses-là, quand on les fait, est-ce qu'on se trouve dans cet état-là? Si on regarde notre cœur, est-ce qu'on trouve cet amour-là et cette humilité, cette humiliation pour Allah subhanahu wa ta'ala? Et c'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim, parlant de cet amour-là, c'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim, des fois, le tawhid, il l'appelle tawhid al-mahabba. Le tawhid dans l'adoration, des fois, il l'appelle tawhid al-mahabba, ou il appelle le tawhid d'Allah, il l'appelle tawhid al-mahboub. Donc le tawhid, l'unicité de l'aimer, de celui qui est aimé. Et on voit aussi que c'est une base, que l'amour c'est la base, c'est asleddin dans la réalité, c'est la base de l'adoration. Dans le verset où Allah dit « Wa minan nas, ma yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ki hubbillah, walladhina amanu ashaddu hubban lillah. » Et parmi les gens, il y en a qui prennent des associés à Allah en les aimant comme on aime Allah. Donc l'amour, c'est le pilier ou un des deux piliers de l'adoration. Il faut qu'il y ait cet amour-là pour Allah subhanahu wa ta'ala. Cet amour qui va provoquer de l'humiliation, qui va provoquer de l'espoir, qui va provoquer la peur d'Allah, etc. Donc c'est un amour bien spécifique. L'amour de ta'zim, de glorification. Et après, il dit « Wa alayhima falakul ibadati da'ir madara hatta qamatil qudbani » Il dit, c'est sur ces deux axes-là que l'adoration, ou c'est autour de ces deux axes-là que l'adoration, elle tourne. Et il ne peut pas y avoir d'adoration sans ces deux axes-là. C'est-à-dire, s'il n'y a pas ces deux choses-là, encore une fois, il n'y a pas d'adoration. Ça, c'est les piliers de l'adoration. Quand on dit « La ilaha illallah »« El ilah » c'est le « ma'aboud » C'est le ma'louh, c'est-à-dire c'est celui qu'on aime, et c'est celui pour qui on s'humilie, on se rabaisse, et qu'on aime. C'est ça le sens de al-ma'louh, al-ilah, al-ma'boud. Et on va aimer Allah et on va s'humilier en faisant quoi? En faisant ce qu'Allah nous a ordonné de faire. En faisant ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré. La salat, la zakat, la récitation du Coran et toutes les autres adorations. Mais il faut que ces adorations-là, des actes et des membres, elles soient provoquées, elles soient accompagnées de ces actes-là du cœur, sinon c'est pas de l'adoration. Et il dit après, وَمَدَارُهُ بِالْأَمْرِ أَمْرِ رَسُولِهِ لَا بِالْهَوَى وَالنَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ. Et cette adoration-là, elle se fait, ici, ce qu'il veut viser maintenant, c'est ce qu'il veut viser maintenant, c'est les conditions de l'adoration. Il dit wamadaruhu, c'est-à-dire que l'adoration aussi, elle est axée sur l'amr, comme on l'a dit avant, sur l'ordre d'Allah et de son messager. On n'adore pas Allah, c'est-à-dire on ne va pas s'humilier pour Allah et aimer Allah en faisant des choses qu'Allah ne nous a pas ordonné de faire. Ça, c'est le sens de la bid'a. C'est le sens de la bid'a. Vouloir se rapprocher d'Allah Azzawajal, en aimant Allah, en s'humiliant pour lui, mais en faisant des choses qu'Allah ne nous a pas ordonné de faire. Ça, c'est le sens de la bid'a. Et ça, c'est l'adoration, elle est conditionnée, comme on l'a dit avant, par le mutaba'a, le fait de suivre l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas quelque chose qui vient de la passion ou de ce que notre nefs il aime, etc. Ça, c'est, comme il l'a dit avant, les shaytani. Ça, c'est l'adoration commandée par le shaytan. Ça rentre dans la bid'a. Il y a un verset qui l'a, pardon, un vers du poème qu'il n'a pas cité après, où il parle de l'ikhlas, où il rajoute l'ikhlas. C'est-à-dire que cette adoration-là, il faut qu'elle soit exclusive pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est les deux conditions. Ici, d'abord, les deux piliers. Donc les deux piliers de l'adoration, c'est l'amour et l'humiliation. Al-hub wa dhul. Et les deux conditions de l'adoration, c'est l'ikhlas ou al-mutaba. L'ikhlas ou al-mutaba. Ça, c'est des choses à retenir, c'est très important. Ça. Donc ça, c'est une parole de Cheikh Mohammed dans Kitab Tawhid, dans les Masail, qui met après les versets et les hadiths. Il dit, وَفِيهِ أَنَّ الْعِبَادَةَ هِيَ التَّوْحِيدِ لِأَنَّ الْخُصُومَةَ فِيهِ. Il dit, et fihi, il dit dans le hadith, Allahu alam si vise le hadith là, un tel ou dans le chapitre, d'une manière globale, il dit qu'on voit que l'adoration c'est le tawhid, c'est-à-dire que l'adoration qui est voulue par Allah, l'adoration dans le sens de la législation, c'est le tawhid, c'est l'unicité dans l'adoration. L'adoration d'Allah seul est le délaissement du shirk. Il dit li anna al-khusuma tafi. Il dit li anna al-khusuma fi. C'est-à-dire pourquoi? Il dit parce que c'est dans cette chose-là qu'il y a eu un litige entre les messagers et leur peuple. C'est dans l'unicité d'Allah dans l'adoration. C'est pas dans l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Les mouchriquines, d'une manière globale, globalement, ils affirmaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le seul créateur, pourvoyeur aux besoins, qui fait descendre la pluie, qui fait vivre le vivant, qui fait mourir le mort, etc. C'est des choses qu'il y a plein de versets dans le Coran qui nous montrent ça. Mais là où il y a eu un niqash, où il y a eu un litige, et ce qui a provoqué ce qui s'est passé entre les mouchriquins et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui a provoqué cette adawa, cette inimitié, cette haine et ce djihad, ce combat entre les professeurs sallam, les compagnons et les mouchriquines, c'est ça, c'est cette unicité-là. C'est de dire que seul Allah, subhanahu wa ta'ala, il mérite l'adoration. Et que Lat, wal Uzza, wal Manat, wal Hubal, et que toutes les divinités de l'Jahiliya ne méritaient pas l'adoration. Et que leur adoration était vaine, parce qu'elle ne profitait en rien. Parce qu'elles ne donnaient rien, parce qu'elles n'ont pas les sifat qu'Allah subhanahu wa ta'ala a, qu'elles ne méritent pas l'adoration, c'est le niqash, il a été là. Donc, comme Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il dit le niqash, le niza, Le litige entre les messagers et leur communauté, il n'est pas dans l'ithbat. Il n'est pas dans l'affirmation. Il n'est pas dans le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il mérite l'adoration. Il est dans le fait que les autres, d'autres divinités, ne la méritent pas. Il est là le niqash entre eux. Tant que l'islam, c'est on adore Allah, il n'y a aucun problème, ça pose aucun problème. Quand on dit que l'islam, on rejette la démocratie, on rejette les autres religions, les autres divinités, là, et c'est là qu'il y a un nizaa, qu'il y a un litige et que ça passe mal pour certains. Comme c'est mal passé pour les mouchriquines de Quraysh et les autres communautés. Rejeter leur divinité. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ Où ils ont dit جَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَبٌ Il va faire des divinités une seule. Ils n'ont pas rejeté la divinité, Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas rejeté le fait qu'Allah il mérite l'adoration. Ils ont rejeté le fait que les autres ne la méritent pas. Que les autres divinités adorées en dehors d'Allah ne la méritent pas. C'est là qu'il y a eu le niza. C'est ça que le shir, c'est le sens de la parole du shir. C'est le sens de la parole du Cheikh. Le niza'a, le litige, le niqash qu'il y a eu entre les messagers et leur communauté, il a été dans ce tawhid-là. Et ça montre que ce avec quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a été envoyé, c'est l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et le rejet du shirk. Il poursuit en nous montrant quel est le droit des serviteurs sur Allah. Encore une fois, ce droit qu'Allah s'est imposé à lui-même. وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَلَّا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا Et le droit des serviteurs sur Allah est qu'il ne châtie point, donc Allah ne châtie point celui qu'il ne lui a point donné d'associer. Donc celui qui s'est écarté du shirk, son droit sur Allah, ou le droit qu'Allah il s'est imposé à lui-même, c'est qu'il ne le châtiera point, mais qu'il le récompensera par la meilleure et la plus grandiose des récompenses. Al-Muhashi dit, rahimahullah, ay, alla yu'adhiba man ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an. والعذاب كل ما يعيا الإنسان ويشق عليه من العذب وهو المنع فسمي عذابا لأنه يمنع المعاقب من معاودة مثل جرمه ويمنع غيره من مثل فعله. Et donc le droit du serviteur c'est que qu'Allah ne châtie point celui qui l'a adoré seul et qui s'est écarté du shirk, qui ne lui a rien associé. Il dit El Azab, le châtiment, c'est tout ce qui va être une difficulté pour le serviteur, pour la personne. Ça, il parle du sens de l'Azab dans la langue arabe. Il dit ça vient de l'Azab. El Azab, c'est le mana, c'est le fait d'empêcher. Le châtiment, il a été appelé ainsi, châtiment azab, parce qu'il empêche celui qui est châtié de revenir à ce péché-là, de revenir à ce qui a fait qu'il a mérité le châtiment. C'est-à-dire quand quelqu'un il commet un péché, on va le châtier, on va le punir. Et cette punition qu'on appelle azab, cette punition, ça va l'empêcher de retourner à ce péché-là, parce qu'il a subi il a subi un châtiment corporel, ou si ça fait partie de l'houdoud ou quoi, il a subi des douleurs, il a dû supporter des douleurs, des difficultés à travers ce châtiment-là, et ça va l'empêcher de revenir. Alors, il n'aura pas envie de revenir à ce péché-là qui a conduit à ce châtiment-là. Et ça va aussi empêcher quelqu'un d'autre qui a vu cette personne-là se faire châtier de faire ce péché-là. C'est une des hikmas de l'houdoud. C'est-à-dire, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré l'houdoud, couper la main du voleur, etc. Tout l'houdoud qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré, c'est une des hikmas de l'houdoud, c'est ça. C'est que le pécheur ne retourne pas à son péché. Évidemment, c'est aussi une expiation de son péché, mais c'est aussi ceux qui voient. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné que les hudoud, les peines, soient appliquées en public, c'est pour faire peur aux gens, que les gens ne commettent pas ces péchés-là et évitent de subir la même sentence. C'est le sens de l'adhab dans la langue arabe. Ensuite, il cite une parole d'Ibn Hajar. قال الحافظ اقتصر على النفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله عز وجل ومن كذب الله فهو مشرك. Ici, Ibn Hajar, il dit, si on regarde dans le hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité le droit des serviteurs sur Allah, il dit que Allah ne châtiera point celui qui ne lui a rien associé. Il n'a pas cité l'adoration. Il n'a pas dit comme dans le droit d'Allah sur ses serviteurs, an ya'buduhu. Mais il a cité simplement le fait que le serviteur il délaisse le shirk. Et ça, Al-Hafidh Ibn Hajar il dit, il s'est contenté de citer le fait de délaisser le shirk ou de rejeter le shirk parce que ceci va impliquer le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Ceci implique le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. À partir du moment où on dit qu'une personne, elle a rejeté le shirk, elle a délaissé le shirk, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une personne qui a adoré Allah seul. C'est un lazim. Ici, il parle de dilalat al-iqtida. L'iqtida ou l'iltizam, c'est à peu près pareil. On a vu que l'indication des choses ou des noms, elles sont de trois sortes. Al-mutabaqa, وتضمن والالتزام. L'iltizam al-lazim, c'est quelque chose qui est impliqué. Ça fait pas partie du nom, mais ça implique, c'est impliqué. Ici, l'iqtida, c'est à peu près le même sens que l'iltizam. L'ulama, il y a une différence, peut-être une différence, d'une manière globale, c'est à peu près le même sens que l'iltizam. C'est-à-dire que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne châtiera point celui qui ne lui a rien associé, ça indique quoi? Et qu'il l'a adoré seul, forcément. Parce que s'il n'a rien associé à Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire qu'il a adoré Allah subhanahu wa ta'ala seul. Comme on l'avait vu aussi dans le verset où Allah dit وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِشَيْئًا. Les usuliyoun disent que الْأَمْرِ بِشَيْءٍ وَالنَّيْءٍ وَالْأَمْرِ بِشَيْءٍ يَسْتَلْزِمَ النَّيْءٍ عَنْ دِدِّهِ. Lorsque l'ordonnance ou l'ordre de quelque chose, ça implique l'interdiction de ce qui est du contraire de cette chose-là. Et dit, ça implique aussi le fait de suivre ou le fait d'attester que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah. C'est-à-dire ici, ce qu'il veut dire, c'est que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est simplement indiqué qu'Allah ne châtirait point celui qui ne lui a pas donné d'associé, ça implique qu'il ait adoré Allah seul aussi, et ça implique aussi qu'il ait attesté que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah. C'est pour ça que cette shahada-là, ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad ar-Rasulullah, c'est un seul et même pilier. On ne peut pas avoir quelqu'un qui atteste simplement de la ilaha illallah et qui rejette la deuxième shahada. Parce que c'était le fait de rejeter la deuxième shahada, ça annule la première, et inversement. Il dit, car celui qui dément le messager, il a démenti Allah. Et celui qui dément Allah, il est kafir, mushrik. C'est comme si on disait, que celui qui fait ses ablutions, sa salat, elle est valable. Celui qui a fait correctement ses ablutions, conformément à la sunna, alors sa salat est valable. Est-ce que c'est une phrase qui est fausse? La phrase, elle est juste, mais ça implique des choses. ça implique que la personne, elle est remplie les autres conditions. Il a fait ses ablutions, d'accord, mais il a la niya, il se dirige vers la qibla, il a couvert sa aura, il est dans, il prie dans un endroit qui est pur, etc. Avec les autres conditions. Donc là, ça a le même sens. Donc ça, c'est une réponse, la réponse de l'Hafiz d'Ibn Hajar. Mais il y a une autre remarque à faire ici qui est très importante. C'est que l'ulama, d'une manière globale, lorsqu'il parle d'un sujet, ou lorsqu'il parle d'un hadith, ou lorsqu'il parle d'un hukm, d'un jugement qu'on met sur une chose, il rassemble les dalils. Il rassemble toujours les dalils. C'est-à-dire tous les adillah, tous les dalils qui concernent un sujet ou une mas'ala, ils vont les rassembler. Et à ce moment-là, ils vont baser leur jugement en donnant à chaque texte son droit. Contrairement aux gens de la bid'a. Les gens de la bid'a, ils vont s'attacher à un hadith dans un sujet. Man qala la ilaha illallah dakhala al jannah. Celui qui dit la ilaha illallah, il rentre au paradis. Masha'Allah. Je dis la ilaha illallah, je commets du shirk akbar du matin au soir, je prie pas, je jeûne pas, je donne pas la zakat, mais je dis la ilaha illallah et je rentre au paradis. Ça, c'est la voie des gens de la bid'a. Les gens de Al-Sunna wal-Jama'a, les ulama, ils regroupent tous les textes qui concernent un sujet et ensuite, ils émettent un jugement, ils émettent un statut en se basant sur tous les textes qui vont, évidemment, s'ils sont thabit, authentiques, qui sont acceptés comme étant des preuves, ils vont émettre un sujet en regroupant tous les textes. Et ceci, que ça soit dans la aqida ou dans le fiqh. Que ça soit dans la aqida ou dans le fiqh. Donc, concernant la ilaha illallah et son statut, et qui c'est qui mérite, qui c'est le musulman, qui c'est qui mérite de rentrer au paradis, ils vont rassembler tous les textes. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah. Ah, ça c'est un autre texte qui vient dans exactement le même sujet. L'autre il s'accroche au texte Man qala la ilaha illallah dakhala al jannah. Mais il laisse Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah. Ou le texte qui cite le shir après. Il dit wa fi riwaya ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu ala an-nar. Donc il n'y a personne qui témoigne de la ilaha illallah et que Muhammad est son envoyé et son messager en étant véridique dans son cœur, sans qu'Allah ne l'interdise au feu. Il lui interdise le feu. Il peut pas rentrer au feu, celui-là. Il rentrera pas au feu. Donc voilà, il met une condition. Sidqan min qalbihi. Il faut qu'il soit véridique. Pourquoi? Le munafiq aussi dit la ilaha illallah. Le munafiq, en autant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en tout temps, ils disent la ilaha illallah pour montrer l'islam et se protéger de l'épée, du seif. Ils disent la ilaha illallah et dans leur cœur, ils démentent. N'y croient pas. On juge de leur islam. Hukmi, en apparence. Mais chez Allah subhanahu wa ta'ala, cette shahada, c'est pas une shahada à la base, elle n'est pas acceptée. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a conditionné cette shahada avec cette condition-là. Comme il l'a conditionné avec l'ikhlas, comme il l'a conditionné avec l'yaqin, comme il l'a conditionné avec la science, etc. Donc, les gens du haqq, ils regroupent. Et ceci, encore une fois, que ce soit dans l'aqida ou dans le fiqh, ou n'importe où, dans n'importe quel sujet, ils rassemblent des textes. Ils donnent à chaque texte son droit. Et ils émettent un statut, un hukm, en se basant sur l'ensemble des textes. Inch'Allah ta'ala, on va peut-être arrêter là pour aujourd'hui. Non, il reste encore une page et demie concernant ce hadith-là. Je sais pas, ça risque de faire. Mentamasakabi. Ouais, mais après, il y a une page encore après. Wallah alam. Inch'Allah, on va arrêter là. De toute façon, la prochaine fois, même si on termine ce chapitre, on pourra commencer le prochain, Inch'Allah. Si... Parce que là, on a vu le. Inch'Allah, on a vu le. Inch'Allah, je vais conclure d'abord. Wallahu alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.